écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à ce vendredi 23 novembre. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Ce soir, à l'émission Une heure de rock indépendant. Et c'est vrai, je m'appelle Jean-François Lusignan. J'espère que ça va bien. Oui, ça va bien, merci. Donc, ce soir, au menu de l'émission, on va avoir, entre autres, Exclusivité de Roberta Bandar, un band de Ottawa qui vont sortir un nouveau EP l'année prochaine. Mais on a déjà une première chanson qui nous est arrivée cette semaine. Aussi du Dynant Porch, Escarmica, Dead Confederate, aussi du Each Other, une autre band de Montréal, mais qui est d'Halifax à l'origine. En fait, on en parlera plus tard dans l'émission. Et on va commencer le premier bloc avec des trucs, des groupes qui ont sorti des chansons, des albums cette année, mais qui sonnent beaucoup comme beaucoup d'autres groupes d'influence des années 90, beaucoup de grunge, de rock alternatif dans leur son. Donc, d'influence du début même des années 90. Alors, on va débuter ça avec des Soft Pack, une formation de Los Angeles. Tirée de l'album Strapped, voici la chanson Chinatown. You

Manchester, en Angleterre, c'était Nine Black Harps avec Phosphorescence, qui est tiré de Sirens, leur quatrième album en carrière, qui est sorti, je crois, là, en septembre dernier, me semble. Ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, je consultais leur site internet de Nine Black Harps et je voyais que, ben, en fait, je constatais que le groupe a pas visité Montréal depuis 2006. C'était la seule fois, en fait, qu'ils nous ont visité. Donc, on serait comme pas mal dû pour une visite pour le groupe. Hein. Donc, le message est annoncé, est envoyé s'ils écoutent l'émission ce soir, ce que je doute fortement. Mais bon, on va espérer. Ils sont actuellement en tournée en Europe, donc ils pourraient peut-être passer au début de l'année prochaine à Montréal. Ce serait vraiment bien. Juste avant, c'était The Wigs, à ne pas confondre avec The Afghan Wigs, qui est vraiment pas la même chose. Et en fait, vous avez entendu donc The Wigs avec la chanson Waiting, qui sont un groupe qui sont The Wigs un peu dans la même famille musicale là, que d'autres groupes actuels, comme par exemple Jeff de Brotherhood et Fiddler, une espèce de garage qui rentre quand même pas mal dedans, garage rock. Et voilà, donc on va poursuivre avec d'autres choses encore un peu dans les mêmes esprits musicaux. Ce sera The Dead Confederate et le titre In the Dark. Et ce sera suivi de Escarmica avec Monoxide, tout ça sur les ondes de CISM 89.3. Don't buy Groupe d'Ottawa, Roberta Bondar avec Pleather Bed, qui est une chanson qui va se retrouver sur le deuxième EP du groupe qui est à paraître l'année prochaine. Et en attendant, bien, on l'a ici en exclusivité à l'émission Le Terminus. Mais vous pouvez aussi l'écouter sur le SoundCloud de Roberta Bondar, qui est, en passant, si vous ne le savez pas, la première astronaute canadienne à s'être rendue dans l'espace. Donc voilà l'origine de ce nom de ce groupe d'Ottawa. Dans les prochaines minutes, il va y avoir deux chansons francophones qui ont entre elles un lien étroit. Je vais vous laisser le deviner. Vous allez entendre une chanson des Dorothées de leur album One Night Stands et Romance qui est sorti l'été dernier. Mais tout d'abord, un extrait de la compilation méga fiable. Ça va être Oscar B qu'on écoute tout de suite. Jean-François Lusignan, c'est moi. Je suis avec vous jusqu'à 22h pour l'émission Le Terminus. Sont en fumée. Et Dorothée, avec toutes mes ex-blondes, sont des zombies, entre parenthèses, qui portent des uniformes nazis. Et vous aurez compris que le lien avec la chanson précédente de Oscar B était les zombies. Bon, ça fait 3 semaines que l'album est passé, mais il semble que maintenant on peut parler de zombies à longueur d'année. Alors voilà qui complète ce segment francophone. On va maintenant changer un petit peu de registre. Ça va être moins punk rock, plus avec plus de groove, si je pourrais dire, mais on reste quand même à Montréal. Et donc, ce sera plus groovant, plus langoureux même. Ça sera donc, pour commencer, Home Shake, qui est un artiste de la même famille, enfin, la famille élargie de Mac DeMarco, qui tourne déjà beaucoup à CISM. Et le gars, donc, Home Shake, c'est un projet solo d'un gars, je crois, de Montréal, c'est ça. Il est sorti au mois de février dernier un maxi que vous pouvez écouter et télécharger gratuitement sur son Bandcamp. Et on va écouter de ce maxi la chanson Moon Woman. Vous êtes toujours sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Each Other, une formation d'Halifax, mais qui est maintenant établie à Montréal. Et de leur nouveau EP, Evilly Space, c'était la chanson A Strong Spinning. Et ça semble bien fonctionner pour ce groupe Each Other. Je voyais qu'ils étaient dans les dernières semaines en tournée américaine. Et là, ils sont maintenant partis pour une tournée de l'Europe de plusieurs dates. Je pense une dizaine de dates en Europe, donc ça fonctionne bien. En tout cas, je leur souhaite que ça fonctionne bien pour Each Other, donc une formation maintenant établie à Montréal. On va poursuivre avec du Papier Tigre, qui est une formation, enfin un trio français qui rock en anglais. Ils sont également sur le label français super intéressant African Tape, qui compte aussi dans ses rangs Peter Cornell, que j'aime beaucoup, je fais tourner à l'occasion ici à l'émission. Et ce sera suivi après Papier Tigre de Martin Creed, qui actuellement a son album A Love to You en 23e position du palmarès album de CISM. Donc, mais pour tout de suite, donc Papier Tigre, c'est à vous, votre chanson Afternoon, on veut l'écouter tout de suite. Waking up just a dream. sorry, let's start again. C'est un sport qui peut se pratiquer la vie durant. Qu'on soit jeune, âgé, petit ou grand, tout un chacun peut apprendre à décocher la flèche. La flèche. On peut, si on le désire, se mesurer avec d'autres dans des compétitions, et même pour les ambitieux, dans des compétitions internationales. Le duo Jambes avec Je ne laissais pas. C'était précédé de Martin Creed, I Can't Stop Thinking About You. Son album Love to You est sur le palmarès de CSM actuellement. Je crois que c'est sa deuxième semaine sur le palmarès. Et si vous voulez retrouver justement ce palmarès-là et aussi la liste des chansons qui ont joué ce soir pendant l'émission, sera disponible dans quelques minutes. C'est sur le CISM893.ca. C'est également pouvoir réécouter l'émission aussi en balado. Je crois que ça ne fonctionnait pas la semaine dernière, mais là, c'est de retour en fonction. Il y a toujours aussi le terminus.ca pour toutes les archives de l'émission. Dans quelques instants, c'est Zika Mendes qui s'en vient pour une heure de son émission L'âme Hi-Fi. Nous, on a quand même le temps pour une dernière chanson. Ça sera du Dingen Porch, la chanson You Win, You Win. Leur album, leur dernier album vient de sortir en fait quelques mois sur l'excellent label de Brooklyn, Capture Tracks. Je vous le conseille de jeter un coup d'œil du côté de ce label-là, Capture Tracks. C'est beaucoup d'artistes super intéressants qui s'y trouvent. Voilà, je m'appelle Jean-François Dusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et une très bonne semaine également. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour le Terminus. Ciao! Ici Alex, Antonin et Vincent de We Are Wolves. Et vous écoutez 1, 2, 3, 4, CISM. La scène 1425 amplifiée par Rogers présente Kim Churchill en spectacle à Laval le 28 novembre prochain au Studio Théâtre de la salle André Mathieu. Réservez vos billets dès maintenant par téléphone au 450-667-2040 et en ligne au scène1425.com. Kim Churchill, le 28 novembre à Laval.